étions deux frères, tous deux amoureux de la même fille. Elle était pour chacun de nous chaque jour aussi gentille. Une fille pour deux garçons, c'était bien peu. Comment faire si nous voulions être heureux? Chacun notre tour, on avait les mêmes rendez-vous. Elle mettait les mêmes robes car nous avions les mêmes goûts. Une fille pour deux garçons, c'était bien peu. Comment faire? Comment faire si nous voulions être heureux? Espérant qu'un jour viendrait où tout seul je serais aimé. Une fille pour deux garçons, c'était bien peu. Il fallait bien choisir entre nous deux. Il fallait bien choisir entre nous deux.